Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International, la belle église Kodesh. Cet enseignement donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Lady Reverend Grace Irene. Enseigne-moi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, oui, viens. Souffle. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Mandirianda sato sikatanda ramashini. Oh, élevez vos voix vers le Seigneur. Élevez vos voix vers le Seigneur avec un chant nouveau. Oui, Seigneur, Saint-Esprit, viens. Avec un chant nouveau, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Mandiri andasato te badika tandara machine. Kineri endere baba sondiri andala basandara bakai. Kendere endala babandara basodiri andala basheika bandoro donne. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jesus. Maintenant plus que jamais. Yes. Oui, Seigneur. Parle-moi, Jésus. Besoin de toi ce matin. Seigneur, nous avons besoin de ta parole qui est une lampe à nos pieds, qui est la lumière sur nos sentiers. Seigneur, viens éclairer notre chemin. Viens nous parler, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Sers-toi de moi ce matin pour parler à ton peuple. Seigneur, touche les cœurs ici présents par ton Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, Seigneur, mais c'est toi qui vas nous parler. J'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, d'un toucher de ta main. J'ai besoin, Seigneur, que tu touches mes lèvres afin que je puisse dire ce que toi, Seigneur, veux dire à ton peuple. Seigneur, merci pour cette couverture. Merci pour la connaissance qui vient d'en haut, Seigneur, la sagesse qui vient d'en haut. Merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, touche les cœurs de tout un chacun afin que ta parole puisse pénétrer même le cœur, l'âme le plus dur, Seigneur, ce matin, afin qu'un changement puisse venir, une transformation, Seigneur, puisse venir. Seigneur, nous te remercions. Merci, Seigneur, pour cette opportunité. Au nom de Jésus-Christ, et tous les saints disent Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus, tout le monde. Amen. Ce matin, nous sommes encore dans la présence de Dieu par sa grâce. Comme Lady Pastor a dit, dans 2 mois, nous serons à la fin de l'année. Qui aurait cru que l'année 2012 allait passer si vite, n'est-ce pas? Bientôt, on aura un an de plus. Nous serons dans 2013. Nous allons encore demander que le Seigneur nous guide, nous conduit. Et pourtant, tout au long de cette année, il nous a conduits. Est-ce que nous avons obéi? C'est ça la question. Alléluia. Mais je sais que d'ici la fin de l'année, il y aura un changement. Alléluia. La parole de Dieu va agir. Et la parole de Dieu aura un effet dans nos vies. Amen. Good. Je suis contente de vous voir encore une fois. Alléluia. Je suis contente de voir Stéphanie. Combien de vous vous souvenez de Stéphanie? Stéphanie, lève-toi. Les gens t'ont déjà oublié. Elle était parmi nous. Elle était comme vous. Elle est partie au pays. Maintenant, elle travaille. Et c'est le travail qui t'a amené ici, n'est-ce pas? Je vois au moins 20 personnes recevoir un travail qui va les faire voyager. Et vous allez venir nous rendre visite. Amen. Receive it in the name of Jesus. Amen. Vraiment, la bienvenue. Amen. Donc, pendant le deuxième culte, tu vas nous apporter des salutations de Port-Gentil. Ok. Assieds-toi, merci. Et maintenant, le pasteur. Please, forgive me, I was going to say pastor. Reverend Bertinus. Amen. Alléluia. C'est notre missionnaire au Burundi. Amen. Lève-toi, on veut juste te saluer. Amen. Il est venu pour une raison très spécifique et très particulière. Alléluia. Pendant le deuxième culte, vous allez écouter sa voix. You're welcome. I'm so happy to see you. J'ai un nom spécial pour lui, mais après, ça reste entre toi et moi, n'est-ce pas? Amen. Je suis très contente de te voir aussi. Et je sais que Antoinette va bien. Elle est là-bas avec son mari à elle. Amen. Mais on aura des nouvelles pendant le deuxième culte. Luc 15, le verset 11. Alléluia. C'est vraiment bien d'avoir un travail qui t'envoie. Tu voyages, tu vas saluer les frères. It's too powerful. Dave, you want a job like that? Amen. All right. Vous êtes là? Vous connaissez tous la parabole, n'est-ce pas? On va lire du début à la fin. Ready? Ensemble. Ready, go. Il dit encore, verset 11, Luc 15, 11. You were waiting for this one, eh? All right. Il dit encore, pour ceux qui sont là, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné

la part, sa part des biens. Et la Bible nous dit que le Père a partagé les biens. Je ne sais pas si on peut le considérer comme un bon Père. Un Père qui sait ce qu'il fallait faire, qui savait ce qu'il fallait faire. Parce que ce n'est pas à tous les enfants que tu peux donner tout ce que tu as. Surtout si tu connais l'enfant. Amen. Mais la Bible dit qu'il leur partagea les biens. Même à l'aîné qui ne voulait pas son argent, il a reçu. Donc il aurait pu aussi partir. Il serait parti avec la plus jeune. Mais il est resté. Amen. Donc parfois quand vous recevez quelque chose que vous demandez, ce n'est pas parce que c'est dans la volonté de Dieu que vous recevez. Amen. Mais c'est peut-être parce que vous êtes têtu. Et peut-être parce que vous avez demandé ce qu'il ne fallait pas demander. Amen. Et parfois le Seigneur permet à ce que vous receviez des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Hey! Donc quand vous priez, faites attention. Parfois vous allez recevoir une chose que vous allez croire que c'est une réponse à votre prière. Mais la réalité, c'est que vous êtes hors de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Alléluia. Vous allez me dire, alors Lady Pastor, comment savoir? Je ne sais pas comment savoir. Si vous êtes en contact avec Dieu, vous-même, vous saurez. Et quand vous priez, vous saurez quand c'est une bonne prière ou pas. Alléluia. Parce que ce qui est bon pour Prince n'est pas forcément bon pour Jesse. Amen. Peut-être les deux ont prié pour avoir des beloved. Et peut-être Dieu a exaucé la prière. Pour un, c'est bon. Et c'est dans la volonté de Dieu. Et pour l'autre, peut-être ce n'est pas le moment. Peut-être. Alléluia. Ils s'encouragent tous les deux. Amen. Alléluia. Peut-être. Un beloved, c'est une bonne chose. C'est une bénédiction. Mais, si vous avez un beloved avant le temps, peut-être ça ne serait pas une bonne chose pour toi. Amen. N'est-ce pas? All right. Donc, ce n'est pas toutes les prières qui sont exaucées, qui sont des prières, qui sont des réponses, how do I say, qui concourent à votre bien, if I can say it that way. Hallelujah. Donc, même en priant, il faut que nous soyons sages. Avant de demander quoi que ce soit, il faut que vous soyez prêts à recevoir la réponse. Amen. All right. Good. Donc la Bible nous dit que ce jeune homme, il a pris l'argent, il est parti avec, il a enjoyé. Et quand on parle de enjoyer, vous comprenez le mot, n'est-ce pas? Comme vous enjoyez ici. Ici, dans la belle église, enjoyer, c'est un mot. C'est un verbe. Amen. Qui se conjugue? J'enjoy, tu enjoy. Il enjoy. Nous enjoyons. Vous enjoyez. Ils enjoy. Amen. Et ce jeune homme a enjoyé. Alléluia. Avec l'argent que son père lui a remis. Il s'est bien régalé avec l'argent. Amen. Imaginez vous-même. Lorsque le western arrive, la joie que vous avez. Imaginez si vous aviez cet argent tous les jours à votre disposition. La manière dont vous allez enjoyer, c'est comme ça lui aussi, il a enjoyé. Alléluia. Mais un jour, L'argent est fini. One day. Si vous n'utilisez pas bien les ressources, les choses que Dieu vous donne, un jour, vous n'aurez plus accès à cette chose. One day. Amen. Par exemple, vous êtes jeune. Si vous n'utilisez pas bien votre jeunesse, un jour, votre jeunesse va prendre fin. Et vous serez comme moi. Même pour grimper les escaliers, il faut bien réfléchir. Avant, quand on était en haut, je monte une fois par journée. Je ne descends pas souvent. Amen. Mais les jeunes, ils peuvent monter, descendre, acheter le coca, ils montent, acheter le sandwich, ils descendent. Pour moi, c'était une fois par journée. Il fallait bien réfléchir avant de descendre, parce que je devais remonter. Amen. Mais si vous gaspillez votre jeunesse à faire des bêtises, quand vous serez un peu plus âgé, vous allez voir que vous aurez beaucoup de regrets. Les choses que vous avez regrettées. À l'âge de 21 ans, vous avez déjà commis 3 avortements. À cette allure, à l'âge de 40 ans, ça serait grave. Amen. Oui, vous êtes en train de détruire votre jeunesse, en train de gaspiller votre jeunesse. Parce que pour le moment, vous croyez être en train de enjoyer. Mais en même temps, vous êtes en train de gaspiller et détruire ce que Dieu vous a donné. Amen. Amen. Et je parle aux filles. Parce que quand vous êtes en train d'enlever la grossesse, le garçon, il est tranquille. Il est toujours là, en forme. C'est vous qui devez passer à l'hôpital, mettre votre vie en danger. Écoutez-moi bien. C'est vous. Il dit qu'il t'aime. Donc, pour montrer son amour, il va payer l'intervention. Ça, c'est la preuve d'amour. Il ne veut pas que toi, tu dépenses ton argent parce qu'il se sent coupable. Donc, il va payer. Et à cause de ça, tu dis, il m'aime. Pardonne-moi de le dire, mais tu es folle. Tu es stupide même. Amen. Say thank you. Amen. Parce que c'est vous qui allez vivre avec les conséquences. Lui, il est tranquille. Il est tranquille. Il va penser à toi un jour, deux jours, et il va oublier. Mais toi, tu vas subir les conséquences pendant des semaines. Le regret pendant les mois. Quand tu vois quelqu'un en train avec une grossesse, tu vas penser à moi aussi mon enfant aurait eu 4 ans. Oh, il aurait eu 10 ans maintenant. Oh, peut-être il serait le prochain président du pays. Oh, il aurait pu être pasteur. Oh, les regrets vont vous suivre. Mais lui, il est tranquille, il est parti. Amen. Amen. Vous êtes en train de détruire votre jeunesse. Amen. Tranquille, il est tranquille. Il dort bien la nuit. Oui. Il a commencé à regarder ailleurs. Yeah, il part où? Il passe à d'autres conquêtes. Hey! Yeah. Je parle aux filles. Ne détruisez pas votre jeunesse. Amen. Gardez ce que Dieu vous a donné. Amen. La vérité, c'est que nous avons le nombre d'ovules que nous avons, c'est limité. C'est pas illimité. Et quand vous devenez, vous vieillissez, ça diminue encore. Donc quand vous, dans votre jeunesse, vous enlevez tout, quand vous serez vieille, il n'y aura plus rien. Vous allez fatiguer vos pasteurs pour les prières. Vous allez fatiguer les prophètes. Vous allez obliger les prophètes à mentir, à dire, c'est la vieille au village qui a attaché les trompes. Amen. Soyez sages dans votre jeunesse. Amen. Il avait l'argent, mais ça ne voulait pas dire qu'il devait tout dépenser. Tout dépenser en même temps. Amen. Avec un peu de sagesse, il aurait pu utiliser l'argent correctement. Alléluia. Et vous avez toujours des amis qui vont vous aider à dépenser votre argent. Vous aurez toujours des amis qui vont vous accompagner à l'hôpital. Vous aurez toujours des amis qui vont vous tenir la main, vous encourager après l'intervention. Il y aura toujours des amis. Mais ils ne seront pas là pour vous conseiller de ne pas coucher avec cet homme. Ils ne seront pas là pour vous conseiller que d'être sérieux avec Dieu. Ils ne seront pas là. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Et vous les garçons qui ont l'habitude de... Enceintez les filles. Vous allez attraper une maladie. Un de ces jours. Tofi a quoi, you say? Look at you. Vous allez attraper quelque chose. Amen. La Bible dit, il eut tout dépensé. Et après avoir tout dépensé, la famine survint. Hey, la galère. Après avoir tout dépensé comme Western, le Western ne vient plus. Le Western est en retard. Il y a un blocage. Il y a quelque chose de terrible qui s'est passé au pays. Si tu avais su, tu aurais bien géré l'argent. Alléluia. Are you with me? Tu aurais bien géré l'argent. Mais c'est trop tard. Amen. Tu aurais serré un peu. Tu aurais pris moins de drop. Tu aurais pris plus de trop. Tu devais marcher un peu plus. Garder l'argent un peu plus longtemps. Amen. Manger moins de saucisses. Moins de pizza. Moins de baguettes. Fallait apprendre à apprécier le tea bread un peu plus tôt. Alléluia. Si tu avais su, tu allais appris à manger le quinquet un peu plus vite. Si tu avais su qu'il y aura une famine. Oui. Watcher tous les matins. Petit déj. Watcher. Et puis quand tu prends le watcher, tu prends avec les œufs, avec le gari, les légumes, les poissons, tout dedans. Les haricots. Alléluia. Si tu avais su qu'il y aura une famine, tu serais un peu plus sage. Amen. Ceux qui ont l'habitude de refuser how do you say? Quand quelqu'un te demande à mariage, tu dis, tu t'es regardé avant de venir. Ceux qui ont l'habitude de refuser, de dire que vous attendez l'homme parfait. Vous pensez que vous serez toujours aussi belle. Vous pensez que vous... Il y a quelque chose que l'évêque appelle. Oh, calmez-vous. Les garçons ont trouvé leur voie. Il y a quelque chose qu'on appelle le fleur de votre âge. Et à chaque âge, quelqu'un, vous êtes belle à chaque âge. Ok? Si vous avez 15 ans, entre 15 et 25, il y a une beauté qui est visible. Entre 25 et 35, il y a une autre beauté, type de beauté. Entre 35 et 45, il y a toujours la beauté. 45, 55, there's always something. Mais la beauté que vous avez à l'âge de 55 ans ne peut pas être la même beauté que vous aviez à l'âge de 25 ans. Amen. Et lorsque vous êtes dans la fleur de votre âge, quand une fleur est belle, c'est là où les abeilles sont attirées. Amen. Et c'est là où les abeilles volent autour. Ok? Pour apprécier la beauté. Mais à un moment donné, les abeilles vont passer à d'autres fleurs. Amen. Donc, je ne dis pas d'accepter toutes les propositions. Ce que je dis, c'est que quand vous refusez, réfléchissez bien. Il ne faut pas réfléchir parce qu'aujourd'hui, il est comme tu le vois. Il faut avoir des yeux pour l'avenir. Des yeux spirituels pour voir l'avenir de ce jeune homme. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir des yeux spirituels pour voir que ce jeune homme peut devenir quelqu'un. Amen. Amen. Faut pas suivre les vestes, les cravates. Amen. Faut pas regarder avec les yeux physiques, mais les yeux spirituels. Fleur. Yeah. Are you with me? Yeah. Soyez, say thank you. Soyez spirituels. Alléluia. Et pour les garçons aussi, j'ai quelque chose à vous dire. Amen. Next week. Alléluia. Amen. Les garçons, comment ça se fait que lorsque Dieu vous parle et Dieu dit la personne que vous devez marier, souvent on a ça. Une fille vient et dit, le jeune homme est venu me demander, mais il dit que c'est Dieu. Dieu lui a dit que c'est moi. Dieu lui a parlé. Il y a deux choses. Moi, je dis, si Dieu lui a parlé, il va aussi te la confirmer. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, pourquoi Dieu ne parle jamais, il ne dit jamais qu'il faut épouser l'autre là qui a... qui est grosse et elle boite un peu. Pourquoi Dieu parle toujours d'épouser la plus belle des filles? Pourquoi quand Dieu parle, il choisit toujours la plus... what word can I say? Magnifique. Pourquoi? Quand Dieu parle, il dit, c'est la personne, il confirme. C'est toujours une belle fille. Une belle fille. Comment ça se fait? Alléluia. Qui est toujours à tes goûts. Parce que Dieu connaît les désirs de ton cœur, c'est ça, non? Quand vous continuez à suivre les visibles, je vous ai déjà dit ça, vous allez vous retrouver le matin avec une tigresse. Et quand je parle de tigresse, pas dans le bon sens. Elle va te griffer, elle va te gifler, elle va t'insulter devant les gens même. Amen, parce que vous avez suivi l'extérieur. Vous n'avez pas les mollets, vous n'avez pas pris le temps de connaître la personne. Amen. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui détermine l'intérieur. Amen. Ce n'est pas ce que tu vois à l'extérieur qui confirme ce qu'elle a à l'intérieur. Amen. C'est le contraire. Amen. Il ne faut pas suivre la forme. Amen. Il ne faut pas suivre la forme. C'est bien d'avoir des critères. Il ne faut pas non plus aussi courir après tout ce que vous voyez en jupon. Parce qu'il y a des garçons comme ça qui ils ne discriminent pas. Ils ne discriminent pas. Aujourd'hui, elle est grande et claire. Demain, elle est dodue et noire. Et après, demain, elle est les deux. Aujourd'hui, cheveux longs. Demain, cheveux courts. Tu ne sais pas ce que tu veux. Ça aussi, ce n'est pas bon. Amen. Mais il faut savoir comment regarder avec les yeux spirituels. Une fille. La Bible dit que c'est... La personne, la femme qui craint Dieu. La femme qui craint Dieu, c'est elle qui sera louée. Amen. La beauté est vaine. La beauté est vaine. Aujourd'hui, tu peux regarder la fille et tu vas te dire, non, ça c'est une belle femme. Revenez dans 20 ans. Amen. Revenez dans 20 ans. Souvent on dit, si tu veux connaître l'avenir de ta femme, regarde sa mère. Regarde sa mère. Tu auras une petite idée de à quoi va ressembler ta femme. Amen. Yeah. Hallelujah. Donc je parlais de quoi? Amen. Il a tout dépensé. I've not gone far. Merci. Amen. Il se trouvait dans le besoin. Il se trouvait dans le besoin. Parfois, nous sommes dans le besoin, pas parce que Dieu n'a pas pourvu, mais parce que nous avons fait des mauvais choix. Amen. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux. Les pourceaux, ce sont des cochons. Qui, ici, si je vous donne 1 kilo de carouches que mangeaient les pourceaux, va apprécier? Et il va dire, Lady Pasteur m'aime beaucoup. Yeah. Mais lui, c'était son désir. C'était son objectif. C'était son rêve. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a fait des mauvais choix. Parce qu'il a fait des mauvais choix. Nos mauvais choix nous obligent parfois à descendre dans les lieux où on n'aurait jamais, on ne serait jamais descendu. What's the correct French? Si on était bien dans notre tête. I don't know if I'm saying the right thing. Amen. Si on était bien et on réfléchissait bien, il y a des décisions qu'on n'allait pas prendre et des conséquences qu'on n'allait jamais subir. Alléluia. Et ce jeune homme aurait aimé manger même les carouches. Une chose qu'il n'aurait jamais considérée lorsqu'il était chez son père. Amen. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous allons finir par marier la personne qui n'était pas une bonne choix pour nous. Parce que après avoir refusé les bons, les jeunes, des jeunes garçons spirituels, après avoir fermé les yeux à son avenir, en cherchant quelqu'un qui est déjà établi, voiture, maison, de l'argent en banque, tu vas finir par épouser quelqu'un qui ne croit même pas en Dieu. Juste parce que tu es désespéré. Yeah. Parce que tu as refusé celui qui avait les yeux pour l'avenir. Celui qui avait un bon avenir, un bel avenir. Alléluia. Tu vas manger les carouches. Tu vas désirer les carouches. Tu vas accepter n'importe quelle proposition. Parce que maintenant là, tu es presque... Time is running out. Tu vas accepter la première personne qui va venir. Je dois me marier avant l'âge de 40 ans. Donc je vais prendre la première personne à venir. Tu vas accepter les carouches. Amen. Amen. Forgive. Mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, ça veut dire que depuis le début de cette histoire, il n'était pas lui-même. Il n'était pas du tout lui-même. Mais étant rentré en lui-même, étant devenu normal, étant devenu comme il devait être, et ayant repris ses sens, c'est son raisonnement. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Alléluia. Amen. Si nous nous trouvons dans le besoin, ce n'est pas parce que notre père n'a rien. Ce n'est pas parce que notre père n'a pas à nous donner. Amen. Peut-être c'est parce que nous sommes trop loin de lui. Alléluia. Peut-être nous sommes trop loin pour recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Combien d'entre vous seront assez honnêtes pour admettre que nous avions tort, que nous avons pris des mauvaises décisions, que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Combien d'entre nous auront le courage de se dire la vérité, que la voie sur laquelle nous nous trouvons, ce n'est pas la bonne voie? Parce que parfois, on se ment en nous-mêmes. Amen. Nous nous mentons. Tu as tellement menti que tu commences à croire tes propres mensonges. Que tout va bien. Et tu sais que tout ne va pas bien. Tu es dans une relation avec un garçon qui a une autre copine. Tu dis, il va me choisir. Tu t'es tellement menti que maintenant tu crois ton propre mensonge. Amen. Si tu es ici et tu es dans une relation avec quelqu'un qui a une autre copine, viens me voir après le culte. Je vais t'imposer les mains. Je vais verser un kilo de l'huile d'onction sur ta tête. Je vais appeler prophète Fabien. Il va venir, nous allons prier pour toi. On va chasser les démons. Amen. Amen. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dois partager un homme avec quelqu'un d'autre? Pourquoi? Donne-moi deux raisons. Pas 21 raisons, juste deux. Deux raisons valables. Il n'y en a pas. Deux raisons. Are you sure? Deux raisons. Qui a deux raisons valables? Pourquoi? Moi j'en ai. One, je suis désespérée. Deux, je suis sans valeur. Non, il y a quelqu'un là pour toi. There's somebody for you. Faut juste ouvrir les yeux. Amen. Amen. Hey, forgive me, oh. C'est pas pour vous offenser. C'est thank you. Amen. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Souvent quand on fait des mauvaises choses, on pense que c'est seulement contre Dieu qu'on l'a fait. On a péché aussi contre nos frères. Yeah. On a péché aussi contre nos frères, nos voisins, nos amis. Alléluia. Parce que tout ce que vous faites a des implications. Amen. Pour le corps de Christ. Amen. Mais souvent, nous sommes trop égoïstes pour le voir. Et on ne considère même pas les autres. Yeah, c'est mon propre corps. C'est mon propre corps. Ah bon? Pourquoi Dieu dit que nous faisons partie du même corps? Pourquoi alors? Ça veut dire que ce que tu fais m'affecte. Amen. Si je suis en train de couper la viande et je coupe mon doigt, mon pied ne peut pas dire, ah, ça n'a rien à voir avec moi. C'est mon corps. Et ça va m'affecter. Alléluia. All right. Dis, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le verset 20 dit, et il se leva et alla vers son père. Tu peux prendre une décision de présenter tes excuses. Tu peux reconnaître que tu es pécheur. Tu peux reconnaître que tu as tort. Mais c'est autre chose. C'est une chose déjà de reconnaître. Mais c'est une autre chose de se lever pour aller demander pardon. Amen. Alléluia. Il se leva et il alla. Et en allant, la Bible dit que son père l'a vu. Quand le père l'a vu, il a couru vers son fils. Parfois, il y a des gens qui quittent l'église, leur famille, et ils attendent à ce que les parents viennent les chercher. Non, c'est à l'enfant qui a quitté la maison de se lever pour aller présenter ses excuses. Dire, lady pastor, non, moi quand j'ai quitté, ce n'était pas de ma faute, ce n'était pas de ta faute, mais c'est toi l'enfant. Et tu seras toujours enfant. Amen. C'est à l'enfant de se lever pour aller vers le Père. Pour demander et présenter ses excuses. Amen. Amen. Parce que la Bible ne nous dit pas pourquoi le jeune homme a demandé son argent. Peut-être son père lui a offensé. Je ne sais pas. Mais je ne crois pas. Je crois que le père était trop gentil. Amen. Mais c'est le jeune homme qui devait se lever pour aller présenter ses excuses à son père. La Bible dit, quand le père l'a vu là, le père a couru vers lui. Le cœur d'un père s'est toujours ouvert vers son fils. Amen. Même si le fils s'est mal comporté, il y a toujours un côté du cœur du père qui va accepter son fils lorsqu'il revient demander pardon. Et la Bible dit que l'homme a couru vers son fils et l'embrassa. Immédiatement, je suis sûr que le jeune homme a su que non, mon père m'a pardonné. Mon père m'aime toujours. Ça, c'est une bonne chose. Amen. De savoir qu'on est aimé. Que son père l'aime toujours après avoir fait toutes ses bêtises. Alléluia. Et Dieu nous aime toujours. Lorsqu'on fait des bêtises et on revient à lui, il est toujours là, les bras ouverts pour nous recevoir, pour nous embrasser, pour nous accepter. Alléluia. Mais il dit que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste. Mais tu dois te confesser d'abord. C'est toi qui dois aller. Oh, Dieu sait que je suis désolé. Non! Tu dois te lever et tu dois aller et parler. Amen. Dès qu'il a vu son père et son père l'a embrassé, il savait qu'il était déjà pardonné. Mais la Bible nous dit qu'il a ouvert la bouche et il a parlé. Laisse-le caler. Où est-ce? Le verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ce qu'il a prévu dire, il a dit. Combien d'entre nous, quand on dit, oh, je vais présenter mes excuses. Et quand tu es sur le chemin, la personne dit, oh, ça va? Oh, Élie, tu vas bien? Oui, oh. Oui. Ah, ok. C'est comment? Tu vois tout de suite, tu vois déjà que tu es pardonné. Tu n'ouvres plus la bouche pour dire, je suis désolé. Tu n'ouvres plus la bouche pour dire que je suis désolé. Parce que tu vois que tu es pardonné. Dis, oh, il m'a déjà pardonné. Non. Il faut quand même ouvrir la bouche. Se lever, c'est une chose. Aller, c'est deuxième chose. Troisième chose, c'est d'ouvrir la bouche pour pouvoir parler. Pour pouvoir dire, je suis désolé. Amen. Amen. Il ne faut pas présumer. Is it a word? Que vous êtes pardonné parce que la personne vous a accepté. Amen. Alléluia. Oh, il sait que. Il y a des gens qui ne savent pas comment dire je suis désolé. Et ils font semblant. Ils vont comme ça. Tu es toujours fâché contre moi. Oh, mais pourquoi tu es toujours fâché? Oh, ne sois pas fâché. Tiens, je t'offre quelque chose. Oh, fais-moi un sourire. Au lieu d'ouvrir la bouche et dire je suis désolé pour X, Y, Z. Il faut apprendre à dire je suis désolé. Il faut apprendre à dire pardonne-moi. Oui, le fait que le père a ouvert les bras pour venir dire oh, c'est bon, viens, c'est ok, viens, je t'aime toujours. Ne veut pas dire que tu dois juste rester là en train de regarder ton père. Comme si. Amen. Il faut ouvrir la bouche pour dire Lady Pastor, I'm sorry. Elle t'a conseillé, elle t'a parlé. Tu es revenu. Tu penses que c'est ok. C'est ok, c'est bien que tu sois revenu. Mais va lui dire merci, thank you. Merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir grondé. Merci de m'avoir rebuqué. Rebuqué aussi, c'est un mot français. Amen. Merci de m'avoir rebuqué. Récemment, j'ai eu à gronder les bergers. Certains m'ont envoyé un message. Merci. C'est thank you. Yeah. Thank you. Ça me montre qu'ils ont un cœur ouvert pour recevoir les rebukes. Amen. Yeah. Soyons humbles. Et apprenons à demander pardon. Amen. Parfois aussi, il faut demander pardon quand vous n'avez pas tort. It's another level. Pour garder la paix. Et pour montrer que non, Dieu vous parle quand même. Pour garder, la Bible dit qu'il faut vivre en paix avec tout le monde, autant que c'est possible. Donc fais un effort. Ah, mais les pasteurs, moi je n'ai rien fait. Hein. J'étais là quand elle est venue m'adresser la parole n'importe comment. Les gens étaient là, ils m'ont vu. Moi je n'ai pas réagi, les pasteurs. Moi je suis ok, hein. Moi je n'ai pas de problème. Hein. Tu n'as pas de problème. Alors va vers la personne et demande pardon. Dis, oh, mais les pasteurs, c'est à elle de venir me demander pardon. Non, c'est à elle de venir. Qu'est-ce qui t'empêche aussi d'aller demander pardon? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est l'orgueil. Nous sommes trop orgueilleux. Amen. Non, je suis plus âgée qu'elle. C'est elle qui doit venir me demander pardon. Je suis sa tante. Je suis son aînée. Je suis vieille. Je suis... Non, tu es quoi? Tu n'es rien. Pardon. Tu n'es rien. Amen. Amen. Tu n'es rien. Va chercher, va te demander la paix. La Bible dit qu'avant de venir présenter tes offrandes, il faut aller demander pardon. Il faut que vous soyez sûr qu'il n'y a rien entre toi et ton frère. Hey! Amen. Avant de venir présenter quoi que ce soit devant Dieu, va demander pardon. Amen. Va demander pardon. Présenter tes excuses. Mais, c'est Aurélie, j'ai remarqué que depuis un temps, les choses ne sont plus comme avant. Si j'ai fait quelque chose, pardonne-moi. Si, dis-le-moi. Je suis vraiment désolée. Excuse-moi. Ok? Et puis tu demandes. Est-ce que tu me pardonnes? Oblige la personne à dire oui, je te pardonne. Oui, oblige la personne de dire oui, je te pardonne. Je suis désolé. La personne dit ok. Et puis tu t'en vas. Je dis, oh, les pas, j'ai pris ça. Non. Demande à la personne. Je suis désolé, pardonne-moi. Est-ce que tu me pardonnes? La personne sera obligée de dire oui ou non. C'est un choix. Si la personne dit non, je ne te pardonne pas, alors tu es tranquille. Mais la personne doit savoir que ses prières à lui ou à elle ne sera pas exaucées. Pourquoi est-ce que je dis ça? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour au quotidien. Doucement. Pardonne-nous nos offenses comme nous oui aussi ce pardonne-nous nos offenses comme pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous aussi, pardonne-nous nos offenses comme semblable, pareil, de la même manière. De la même manière. Donc, si je ne pardonne pas, ne me pardonne pas. Si je ne pardonne pas, ne me pardonne pas comme je ne pardonne. Ok, laissez être là. Ne me pardonne pas à mes offenses comme je ne pardonne pas aussi c'est ceux qui m'ont offensé. Should we take it again? Yes. Ok. Ne me pardonne pas mes offenses comme je ne par qui? Amen. It's clear. It's clear. Donc, quand ton frère vient te demander pardon et tu refuses de le pardonner, sache que tu as déjà complété ta propre prière. Notre Père qui es aux cieux, ne me pardonne pas parce que je n'ai pas pardonné mon frère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc parfois quand on va demander des excuses, présenter nos excuses et demander pardon, ce n'est pas parce que nous sommes mabous. Ce n'est pas parce que nous sommes bêtes. Ou parce qu'on n'a pas de valeur à nos yeux. Ou bien parce qu'on ne réfléchit pas bien. On est insensé. C'est parce qu'on sait. On sait l'impact, les conséquences du fait de ne pas pardonner. Tu es là, tu as 25 ans, depuis 10 ans, tu ne parles pas à ta mère. À l'âge de 15 ans, toi, tu as dit, toi, tu étais à 15 ans, tu étais qui? Tu savais quoi? Tu ne parles pas à ton père parce qu'il a quitté ta mère. Tu sais pourquoi il a quitté? Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Donc ne te mêle pas de ce qui ne te concerne pas. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Tu ne connais pas ton père, c'est vrai, mais pardonne-le. Tu peux le pardonner. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas leur père et jusqu'aujourd'hui, ils détestent son père. How can you detest somebody you don't know? You've never seen. Et tu ne sais pas que tes prières sont bloquées à cause de ça. Je ne néglige pas qu'il y a des histoires vraiment sensibles et des histoires vraiment douloureuses et tout ça. Mais je parle de votre vie spirituelle. Amen. Et je parle de comment vous allez exaucer, avoir des prières exaucées. Et je parle de comment vous allez réussir votre vie spirituelle. Amen. Il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre. L'évêque a écrit un livre, Le pardon simplifié. Un livre simple. Il dit, si tu n'arrives pas à mettre le nom de la personne que tu n'as pas pardonné dans cette prière qu'on vient de dire, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à mon père. Si tu n'arrives pas à le dire, tu n'as pas vraiment pardonné la personne. On l'a dit parce que je l'ai pardonné. Ce n'est pas vrai. Amen. Et c'est la raison pour laquelle Dieu ne t'a pas pardonné. C'est la raison pour laquelle tu te sens coupable 5 ans après avoir commis un péché. Parce que ton père ne t'a pas encore pardonné. Et pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas aussi pardonné à celui qui t'a offensé. Amen. Vous savez, les choses sont liées. Ils sont liées. Dieu a dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste de te les pardonner. C'est vrai. Mais si tu ne pardonnes pas, il ne peut pas accepter ta confession. Parce que tout est lié. Il dit, aime ton frère. Tu n'aimes pas ton frère et tu veux qu'il te pardonne tes péchés. Ils sont tous liés. Amen. Ils sont tous liés. Alléluia. Le jeune homme, il se leva, il alla vers son père et il a dit. Amen. Il a dit. Dis, oh, mais lui dit parce que je sais qu'il m'a pardonné. Ah, ouvre la bouche et parle. Quand même. Quand même. Amen. Alléluia. Parce que ce n'est pas toujours où la personne te traite. La personne fait comme si rien n'était. Tu penses qu'il t'a pardonné, mais il a toujours quelque chose dans son cœur. Alléluia. Contre toi. Donc, oblige la personne de dire, oui, je te pardonne. C'est pour son propre bien aussi. Amen. Si la personne refuse de te pardonner, dis, oh, je suis là pour t'aider. Oh. Si tu me pardonnes, c'est toi qui seras pardonné par Dieu. Donc, aide la personne. Alléluia. Mais il ne faut pas offenser la personne en l'aidant aussi. Amen. Alléluia. Are you there? All right. I think I've run out of time. Je crois qu'on va continuer la semaine prochaine. Je vous ai dit que j'en allais parler du fils. Mais bon, c'est pas grave. On n'est pas pressé. Est-ce que vous êtes pressé? Ok, donc on va continuer la semaine prochaine. Levez-vous. Nous avons terminé. Alléluia. Amen. Commencez à remercier Dieu pour son message. Parlez à Dieu ce matin. Dites, Seigneur, merci pour cette opportunité encore d'écouter ta parole. Tu es notre Père. Tu es celui qui nous dirige. C'est toi qui nous conduis, Seigneur, toujours sur la bonne voie. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir parlé des choses qui nous ont très, très... qui sont communs, Seigneur, qui sont très fréquents dans nos vies. Seigneur, merci. Merci de nous avoir parlé des choses pratiques ce matin. Nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que nous puissions faire ta volonté et faire ce que tu nous demandes de faire. Tu dis, Seigneur, dans ta parole que tu opposes l'orgueilleux. Seigneur, que nous puissions apprendre à être assez humbles, d'aller demander pardon et présenter nos excuses. Seigneur, nous voulons te faire plaisir par nos vies, par notre comportement. Merci, Seigneur, pour les pasteurs qui nous pètent, Seigneur, qui nous donnent les bons conseils, qui nous encouragent, Seigneur, à garder une vie correcte. Je te remercie, Seigneur, pour le pasteur que tu m'as donné, Seigneur, dans ma vie personnelle. Je te bénis, je te remercie pour sa vie. Seigneur, continue à pourvoir nos besoins par ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. J'aimerais prier pour vous ce matin. Si tu es là, tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ personnellement, tu n'as jamais pris une décision de lui remettre la clé de ton cœur. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu es là, tu ne sais pas si tu es né de nouveau. Tu es là, tu ne sais pas si tu devais mourir aujourd'hui, si tu iras au ciel ou à l'enfer. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi. Tu veux reconnaître ton état de pécheur et tu veux dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de vivre une vie qui te plaît. Si tu es là comme ça, tu veux faire cette prière, lève la main, je veux prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux qu'il soit le maître de ta vie, qu'il soit au contrôle de ta vie. Tu veux qu'il pardonne tes péchés. Tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Lève la main, je veux prier pour toi. Tu veux confesser ce matin devant l'assemblée que tu as besoin de Jésus-Christ. Lève la main, n'aie pas honte. Je veux prier pour toi. Merci Seigneur. Lève la main, s'il te plaît, je veux voir les mains. Si tu as la main levée, je veux prier pour toi, viens vers moi. S'il y a quelqu'un qui a la main levée. Ok. Prions, Seigneur, merci pour ces moments. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que c'est toi qui sauves. Fais-nous Seigneur grâce de mieux comprendre ta parole et de mieux comprendre ce que tu as à nous dire. Seigneur, transforme nos vies par ta parole. Fais de nous Seigneur des nouveaux créatures et des nouvelles personnes par ta parole. Nous te bénissons pour ton amour et nous t'aimons aussi. Seigneur, merci au nom de Jésus. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, LCI, La Belle Église, pour plus de messages. Soyez bénis.